là, on ne sait même pas le budget, on va le savoir la semaine prochaine avec mon lauréat, parce que le tournoi junior cette année ne nous a rien rapporté. OK. Donc, nous autres, là, c'est des équipes. Moi, je suis sûr que moi, je pensais que ça aurait été un gars idéal. Là. Et dans un deuxième temps, ben, Pierre Guy a mentionné qu'il négociait toujours avec le circuit de Beauce-Appalaches pour disputer des matchs interligues qui contrôlent le classement entre la Ligue Junior JMS et la Ligue de Beauce-Appalaches. Il y a 4 matchs qui se joueraient entre les équipes, 2 en Beauce et 2 au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Parlons maintenant de la Ligue du Lac aux Fleuves. Mathieu Garon, qui est le directeur général de la Ligue, hier a mentionné quand même qu'il était content de la première année de la Ligue du Lac aux Fleuves. On sait qu'il a remplacé à pied levé Bob Desjardins durant l'année. Donc, l'an 2 sera une période, évidemment, où on apportera les ajustements nécessaires. Là, comme je dis à tout le monde, on a dessiné le dessin. Là, ouais. Maintenant, on va le colorier. Ouais. Là, on va commencer à, t'sais, on va commencer à le peaufiner à notre goût. Je te dirais que tout le long de l'année, on a amélioré la ligue, on a eu des idées, des solutions. On se prépare déjà pour l'an 2, mais c'est vraiment là en travaillant ensemble là, qu'on a justement là, arrivé à une. Comme je vous ai dit, on est dans la série, non? On s'est rendu à une série de sept matchs, la série finale de 7 matchs. Je pense que ça a quand même bien été. Oui, puis écoute, je pense que dans un deuxième temps, il n'est pas pressé à ajouter une cinquième concession. Le but, évidemment, de la Ligue, c'est de stabiliser et de faire un succès et d'y aller tranquillement avec une expansion. Mais il n'écarte pas quand même qu'une équipe pourrait se joindre à l'Assemblée générale à la fin mai. Pourquoi d'aller là? Ben, c'est pour ça. Fait que c'est pour ça que nous autres, dans ma vision dans la Ligue de hockey Seigneur du Lac-aux-Fleuves, c'est que on commence, on a construit la Ligue, on a eu une très bonne réception à ce niveau-là, des très bons commentaires. Écoute, juste la participation des matchs 5, 6, 7, 700 personnes à Clermont le premier soir, quasiment 1000 personnes à Normandais le deuxième soir et 900 personnes à Charlevoix le dimanche. On voit que le monde sont intéressés par notre hockey. Fait que moi, c'est pour ça que si on va avoir une cinquième équipe, là, je suis ouvert à ça parce que justement, on est en santé. On est ouvert pour accueillir une équipe. Puis après ça, on va évaluer les choses. Mais comme je dis, moi, je me prononcerai pas sur est-ce que j'en ai, est-ce que j'en ai pas. Tant et son temps que ça ne sera pas conclu, j'aurais pas des demandes, j'aurais pas des cahiers de charges, ben là, je pourrais pas faire d'annonce à rien sur ce niveau-là. OK. Mathieu, je viens de faire une entrevue avec Pierre Guay. Le joueur de football Grégoire Bouchard de Chicoutimi va participer au match des étoiles S-Ouest. C'est du moins ce que nous apprend le journal Le Quotidien ce matin. Le match S-Ouest, évidemment, c'est un match où regroupe les meilleurs espoirs en vue du prochain repêchage. Pas celui de ce soir dans les Canadiennes, mais celui de l'an prochain. Grégoire Bouchard a gagné la Coupe Vanier avec l'Université Western. J'invite à écouter la section entrevue de DanRadioSport.com. Évidemment, il est encore question de l'annonce imminente de Robert Val dans la Ligue nord-américaine avec le président des Sables de Robert Val Junior 2A, Guy Larouche. On parle avec Mathieu Caron également de la Ligue du Lac aux Fleuves. Pierre Guay vient également réagir à cette annonce imminente à Robert Val. Et vous pouvez également écouter Marc Fortier qui nous parle des séries dans la Ligue nationale de hockey et Joël Bouchard qui pourrait se joindre aux Canadiens de Montréal. Le sport local et régional à DanRadioSport.com, on s'en occupe.